OK, OK. J'ai des connaissances. Qu'est-ce même pas. Je suis raptas cet après-midi, je suis mortel, je suis dans la vago. Je suis à la jetée calée, que je roule des bédos. Je préfère aller au snack juste en bas de chez moi que McDo. Je croise que des gâteaux, tes max casque, roule sac à dos. Ça y est, c'est l'été, ça va rester au quartier. Torse nu, tu banguais, que ça va sans fumer. Ils vont me contrôler, sur moi j'ai un violet. Et j'ai bon de fumer, je me sens pas de jolé. Elle m'a rendu fou, que je raconte ma life. Oasis fait tout, je fais ma petite balade. Je sais même pas où je vais, des fois la vie c'est hard de mon côté. J'ai envie de bouger, faire mes euros sur ma côte. Wesh le couze, je tire une barre, je vais te dire s'il passe. Ferme la fenêtre, tu roules la balle, y'a trop de vent quand je tâche. Je rentre à pas d'heure, je m'emballais, il est 2h du mat. J'en la perquise, c'est bouillant ce soir, je dors pas là, il est mort. A mon avis, me piste, que je vois la 308. Je laisse ouvert la vitre, on sait jamais si y'a Haja. Il m'a fait le 20 à 10, il a assuré le couze. Je crois qu'il m'a niqué le bic. Ouais, il s'est taillé en douce. Elle m'a rendu fou, que je raconte ma langue. Oasis fait tout, je fais ma petite balade. Je sais même pas où je vais, des fois la vie c'est hard de mon pote. J'ai envie de bouger, faire mes euros sur ma côte. Je sais même plus où je vais, des fois la vie c'est hard de mon pote. J'ai envie de bouger, faire mes euros sur la côte. Je sais même plus où je vais, des fois la vie c'est hard mon pote. J'ai envie de bouger, faire mes euros sur la côte.